Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 80. Des parties potentielles de la justice, ou des vertus qui lui sont unies. La religion, la piété filiale, le respect, la vérité, la reconnaissance, la vengeance, la libéralité et l'affabilité. Assigne-t-on convenablement les vertus unies à la justice? Les vertus qui s'adjoignent à une vertu principale touchent à cette vertu par certains caractères et s'en éloignent par d'autres. Comme la justice se rapporte à autrui, toutes les vertus qui présentent cette relation s'unissent à elle, bien qu'elles s'en éloignent de deux manières, car les unes ne rentrent pas, dans la mesure de l'égalité, ce qui est dû au prochain, et les autres n'impliquent pas l'idée d'une dette rigoureuse. Les devoirs que nous rendons à Dieu sont des dettes de justice, et, cependant, ils ne remplissent pas, de notre part, les conditions de l'égalité, ainsi que le marque cette parole, « Que rendrai-je au Seigneur pour tout ce qu'il m'a donné ?» Psaume 115:3. Il en faut dire autant des devoirs envers nos parents et envers notre patrie, ainsi que des hommages rendus à la vertu. C'est dans ces principes que l'on adjoint à la justice la religion, la piété filiale et le respect. Les vertus relatives à autrui, mais qui s'éloignent de l'idée d'une dette rigoureuse pour s'arrêter à celle d'une dette morale, se partagent en deux classes. Les unes, la vérité, la reconnaissance et la vengeance, sont d'une telle nécessité que, sans elles, on ne conserve pas l'honnêteté des mœurs. Les autres, la libéralité, l'affabilité, etc., contribuent à une plus grande honnêteté. Note. Ces diverses vertus vont être reprises successivement et expliquées en détail. Ce qui n'est indiqué ici que sommairement s'éclaircira à mesure que nous avancerons. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.